Ça, j'arrive. Oh, c'est bon, je suis là. Putain, mais t'es long, toi. Ouais, ça va, pareil, quoi. Putain, mais ça sent fini, garçon. Ouais, vas-y, passe la télécommande. Voilà, c'est ce qu'on dit. Jambes, pas de télécommande. T'es beau, qu'est-ce que tu ferais à ma place, toi? À ta place, tu te dis ce que je fais. Un matin dans la peau d'un frère amaigri par les années, siège des allées. Retour à Lourdes à faire des allées, tierge mes salades. Ma daronne à croire, le prêtre est incollable. Son histoire est drôle, mais elle ne tient pas debout, ça te rappelle rien qu'on a. 98 dieux créent des légendes, je me crevais les jambes. À 43 kilos, on fait tout sauf rêver les gens. Mais garde ta pitié bouffonne, les mecs étouffent la vite. Je veux pas le crier tout fort, elle m'aiderait si elle me bouffait la bite. Et si pourrait qui me dit, tu sais que les gonzesses se saignent. Qu'il a un pote en chaise roulante et que ce pauvre con sait ce que c'est. Mais bléon, sans roman, calque-toi-le dans l'anneau. Si ta team déporte compassion, crois-moi, y'a pas de cadeau dans la nôtre. Viens plus m'en passer sur la scène, je te fais de la peine, c'est ça. Vas-y, fais dire des tales ici quand je parle de baisse, c'est ça. La pluie ne fait pas le moine et quand l'enfer t'accueille, ces lieux sont noirs, allez, parle-moi, non, vas-y, ferme ta gueule, fais mieux. Lunatique, je parle que le dimanche, tu me saoulerais plus. Si tu savais que je sonnerais pas mon pilon pour une foulée de plus, fiston. Tout va bien, puis tout s'aggrave, allez, t'en change. Surtout si t'as autant de chance que j'en ai de cavaler dans le champ, hein. Je suis pas la moitié d'un colosse, un color sous la braille. Rime, spliff, call off et un colloque pour la graille. Je n'entends plus l'excès d'espoir dans certains souffres. Un matin dans la peau d'un frère, le soir dans celle d'un sourd. Changeant, ignorez-moi. Avec ou sans jambes, chante, plumeur et noir. Une fausse note dans la partition, le monstre des autres. Une rose morte dont l'apparition annonce le désordre. Changeant, ignorez-moi. Avec ou sans jambes, chante, plumeur et noir. Une fausse note dans la partition, le monstre des autres. Une rose morte dont l'apparition annonce le désordre. Arrête, tu vas me faire chialer. Moi je vais te dire ce que t'as fait de tes jambes. Un matin dans la peau d'un frère amaigri par le crack et la quêta. Un stylo vide, une tarte de plus et le crâne est là, c'est bave. Bah là si je bave et si mes jambes ne portent plus. C'est que la drogue a fait son taf, les jeunes sont qu'un décor de plus. Ici, même si t'as bu gros, m'agace pas trop. Si je perds mon fut, te méprends pas, c'est pas que je suis rond. Mais que les putes agacent ma trompe. Dans la ferraille, un petit feu, on grave ça tombe. Quand t'as la mémoire d'un insecte, comment veux-tu qu'un drame ça compte? Chaque acte a son but et je passe mon temps à me biturer. À titubé dans la pénombre, j'ai jamais cru que la vie tuerait. Alors ça jacte à la combine, courra les bras qu'elle veto. La dalle d'un chat qu'elle accomplit, son seul le crack te fait le veto. Voilà tout, on s'enterre, le prix d'une vie n'est pas abattable. Mais comme tous, on s'enferme, y'a pas que la mort que les traces abattent. Les temps changent, j'affronte les problèmes pas à pas. Mais dans le fond, rien ne m'enchante, tu comprendras, j't'en parle à pas. J'me fous tout de mes cannes, de mon corps et de son état. On brûle la vie par les deux bouts, demande à tort si mon dédard, putain. Les pieds sur terre, y'a pas que nos pages que l'on noircit. Pour aller tailler abrasif, j'ai pas attendu au Marcy. Pas de pitié, voilà tout, tu croyais que mon cœur palpitait. Si la rage me tient debout, j'crois que toute compassion m'a quitté. Dramatique, mais pas plus quand un destin, c'est un autre. Un matin dans la peau d'un frère, le soir dans celle d'un autre. Changeant, ignorez-moi. Avec ou sans jambes, chante, plumeur et noir. Une fausse note dans la partition, le monstre des autres. Une rose morte dont l'apparition annonce le désordre. Changeant, ignorez-moi. Avec ou sans jambes, chante, plumeur et noir. Une fausse note dans la partition, le monstre des autres. Une rose morte dont l'apparition annonce le désordre.